T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, comment maintenant? Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les ondes de RGL, bienvenue dans Planète Indie, votre rendez-vous mensuel, rendez-vous de la musique alternative, rendez-vous de la musique indépendante. Et puis pour commencer, eh bien bonne année puisque nous sommes en janvier 2019, le temps passe très très vite, c'est l'émission numéro 404, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et que eh bien, l'année a bien commencé pour vous. En tout cas, au niveau de la musique, eh bien, on est toujours là avec toujours le meilleur et toujours de la musique que vous n'entendrez, bien entendu, nulle part ailleurs. Alors, cette année, bien entendu, on ne fait pas exception. On vous propose toujours des nouveautés. Notre powerplay aussi, comme d'habitude. Cet album qui est mis en avant et qui nous emmènera aujourd'hui du côté de l'Australie. Voilà, comme ça vous avez déjà un petit avant-goût. On va écouter alors au programme d'aujourd'hui des nouveautés comme Folsom, on va écouter Joseph Ferrante, on va écouter Erin Clementine, c'est aussi la première fois qu'on l'entendra dans cette émission. Et puis pour commencer, on va aller voir, ou plutôt écouter, le morceau Addicted du groupe Bright Garden. Restez bien avec nous, on est ensemble jusque 18h30. We'll be right back. Hey, this is Larry from Promise Lab, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Mendel Beach Markets, and you're listening to Planet Indie. Hi, my name is Vivi from Mental Monkey Ballet, and you're listening to Planet Indie. She's alone on an empty sea where she searches for some. But it's flown away, and she is wishful, blissful, selling her soul to the dead. But what is she saying? Whoa, what about promises we made? Whoa, feel you, love you. Whoa, what about sacrifices made? Whoa, and what is our savior? And will we pull through? Will we survive this game? And will we pull through? Feeling our love all the same. Upholding one another again. And will we pull through? Never love some again. Maybe someday. Maybe someday, yeah. Maybe someday. The feeling of your lips. Someday. The mood of your kiss. Someday. And this bliss. Someday. You and me. Someday. Can't we love one another someday? Can't we love one another someday? Can we love one another someday? Someday. Someday. Yeah. Take me home. Greatest of them all. Voilà, j'espère que la programmation musicale de ce début d'émission vous plaît. Alors, pour être tout à fait correct et complet, on a commencé avec Bright Garden et le morceau Addicted. Ensuite, c'était Laydon Robinson, la première fois qu'on l'écoutait aussi sur cette antenne, avec le morceau Someday, à l'instant Joseph Ferrante. Je pense que c'est une complète nouveauté aussi avec Toilet World. 17h14, je vous rappelle que cette émission sera aussi rediffusée demain aux mêmes heures et aux mêmes fréquences, entre 17h et 18h30, donc sur les fréquences de RGL, que ce soit sur les ondes radio, sur le câble télédistribution, aussi bien au Grand-Duché qu'en Belgique, ou alors via le site internet, vous pouvez nous retrouver aussi en rediffusion. Le podcast sera disponible aussi sur le site de Planet Indie. N'hésitez pas à visiter notre site internet www.ilovemusic.ga. Et puis aussi, vous pouvez nous rejoindre aussi sur Facebook. On est à peu près 200 et c'est beaucoup d'artistes qu'on entend dans cette émission que eh bien, vous pouvez vous adresser directement à eux pour leur dire ce que vous aimez, ce que vous aimez moins dans leur musique. Voilà, d'ici quelques minutes par retour, on va aller à la découverte de notre album Powerplay. Je vous ai dit qu'il nous emmènera du côté de l'Australie. Avant cela, on va encore écouter le Ted Vaughan Blues Band. Comme son nom l'indique, c'est un groupe de blues. Et avant cela, les Chalalas avec Before I Let You Down Again, avant que je ne t'abandonne encore une fois. Broken man, so think it over. Someday you'll figure out what Robert Johnson said. Then the blues of howling wolf will come pounding through your head. Muddy Waters done told you he was the hoochie-coochie man. So what part of the blues, my friend, don't you understand? Now only Lightning Hopkins can take you to the past, and only Etta James can bring you home at last. Hang with Albert Collins, you'll learn to pay your dues. You gotta grow up sometime, son, kick off those blue suede shoes. Cause if you live long enough, you know you gotta choose. Let the boys play rock and roll. It takes a man to play the blues. Hang around long enough, you know you gotta choose. Let the boys play rock and roll. It takes a man to play the blues. Tell you to stop when you get old. Ain't been a blues man yet that did what he was told. Soon you'll hear the message, it's all part of the plan. Won't be no turning back, my friend, once you're with the band. But if you live long enough, you're gonna have to choose. Let the boys play rock and roll. It takes a man to play the blues. Hang around long enough, you know you got to choose. Let the boys play rock and roll. It takes a man to play the blues. Ils s'appellent The Ted Vaughan Blues Band. Ils sont pas peu fiers de jouer du blues, puisqu'on écoutait la piste numéro 1 sur leur nouvel album, et cette chanson qui donne son titre à l'album, It Takes a Man to Play the Blues. Ça veut dire il faut être un homme pour pouvoir jouer du blues. Si vous aviez fait attention aux paroles pendant la chanson, il dit Let the kids play rock and roll, it takes a man to play the blues. Donc en gros, on va laisser les gosses s'amuser avec le rock'n'roll, et nous, on est des hommes, on joue du blues, de Ted Vaughan Blues Band. 17h23, il est grand temps maintenant de passer à la découverte de notre album Powerplay. Je vous avais dit qu'il nous emmènerait du côté de l'Australie. C'est un duo qui s'appelle The Sign et qui est composé de Joe Stevens et Paul Volta. Le groupe a été formé en 1992 quand Paul, qui est un Américain, mais ça j'anticipe un petit peu sur la suite des opérations, Paul a passé ses vacances en Australie et il a rencontré Joe qui deviendra sa future femme. Le groupe The Sign, c'est donc le fruit musical, on va dire, de la rencontre de Paul Volta et de Joe Steven. C'est un groupe qui va chercher ses racines du côté du rock, du blues, de la pop, voire même du folk, avec des influences comme Led Zeppelin, les Beatles, les Pretenders, XTC, John Bass, Fleetwood Mac ou encore The Divinyls. Le groupe de Sign a fait pas mal de tournées depuis donc sa date de création en 1999. Ils ont joué des centaines de concerts et participé à des festivals, notamment au Japon, en Australie ou aux États-Unis. Bah oui, c'est un peu leur zone géographique. Ils ont aussi gagné des récompenses de la Australian Songwriters Association, du Billboard Songwriting Contest ou encore de National Songwriters Contest. Et puis ils ont réussi à placer un peu de leur musique dans le X Factor Australia. C'est donc le groupe The Sign qu'on découvre aujourd'hui avec leur album Naked Glory. C'est leur troisième album puisqu'ils en ont sorti jusqu'à présent quatre. Black Label Acoustic, Whole Lotta Love, donc Naked Glory, et puis le See The Sign. Vous pouvez aller voir sur leur site internet www.thesign.com. Voilà pour la première introduction. Tout à l'heure, on parlera un peu plus longuement des deux cocos qui en font partie, à savoir Paul Volta et Joe Stevens. Mais je vous propose d'écouter un premier extrait de cet album. J'ai choisi One of These Days. C'est donc extrait de l'album Naked Glory du groupe The Sign, notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Power play. One of these days, sun is gonna shine. One of these days, clouds in my sky. One of these days, won't mean it's rain. I'm bringing the sunshine back again. Always thought it was up to you. Now you found out it's so true, yeah. Everything we thought about by you're so filled up with your own self-doubt. I said you're so filled up with your own self-doubt. Yeah, you. I said you're so filled up with your own self-doubt. Yeah, you. You now. One of these days, one of these days, yeah. One of these days, won't seem so strange. One of these days, I see you again. One of these days, you won't have anyone left to blame. He walked into the room, cast his eyes about. Then he turned to her and said, it don't mean nothing, darling, 'cause the only one I really want, it's you. I said, the only one I really want, it's you. It's true now. One of these days, one of these days, yeah. One of these days, one of these days, yeah. One of these days, sun is gonna shine. One of these days, clouds in my sky. One of these days, warming its rain, bringing the sunshine back again. I've been lifting the darkness, lifting the darkness from their eyes. I've been lifting the darkness from their eyes. I've been lifting the darkness from their eyes. One of these days, one of these days, yeah. One of these days, bringing the sunshine back again. No man's land, I've got to hang around. Don't be scared. Si vous nous êtes fidèles, eh bien, vous avez peut-être reconnu la voix de Cat Hall avec son groupe Dissonance, puisqu'on le passe, je vais presque dire régulièrement depuis quelques mois. Il va falloir qu'on s'y intéresse d'un peu plus près, pourquoi pas en tant que powerplay au cours d'une prochaine émission. À voir, le morceau s'intitulait Cage. Avant ça, c'était le groupe Pictures, je crois qu'on ne les a encore jamais entendus non plus. Et un morceau intitulé Roll Up. Avant cela, avant de retourner, je voulais dire sur notre album Powerplay, eh bien, je vous propose d'écouter deux assidus, on va dire, deux utilisateurs très actifs, on va dire, sur dans notre groupe Facebook. Donc, vous allez sur Facebook et vous tapez Planet Indie, à savoir donc ACG avec Desire, et puis tout de suite Diane Mank avec 10,000 More. Et comme je vous disais qu'ils seront fort actifs sur Facebook, eh bien n'hésitez pas donc à interagir directement avec eux via ce canal. Eh bien, je pense que ça leur fera très plaisir. Never believed in soulmates, in something I can't see. We have a deep connection, I believe in destiny. How can I feel I know you, there's so much I need to say. I think I love you, what makes me feel this way. No longer am I denying what is so plain to see. I just can't keep from thinking you were created just for me. I know that you can feel it deeper than your blood and bone. Come over here and love me, make my heart your home. We're not getting any younger, I'm just waiting for your sign. Why go looking further, let our two hearts entwine. Look in my eyes, you'll see the lies we looked before. We've had so many lifetimes, there will be 10,000 more. A touch so soft and tender, a whisper full of desire. A gasp of sweet surrender as passion fuels our fire. Always and forever, you'll be my dream come true. From now until the end of time, I'll love only you. Those we have not seen. You're the one in all my thoughts, living in my dreams. You're the one whose hand is mine, whose lips I can't ignore. You're my life, my world, you're all I adore. Look in my eyes, Un petit problème avec le morceau, on dirait. On va essayer de le relancer. On va voir si ça passe mieux. Sinon, bon, on passera tout de suite à la suite. Hein. It's a desire you're wearing in your heart. Desire burning in your soul. Desire living in you. Desire. Is there enough left to burn? It's a desire you're wearing in your heart. Desire burning in your soul. Desire shining through your eyes. Desire. Bon, bah décidément, il ne veut pas. Tant pis, eh bien, on essaiera de programmer une prochaine fois, regarder ce qui se passe avec le morceau. Enfin, c'était ACG et Desire, et puis avant cela, Dion Mike avec 10,000 More. Eh bien, nous allons, puisqu'il en est ainsi, retourner directement sur notre album Powerplay du jour, l'album du groupe australien The Sign. Je vous ai parlé, eh bien, on va dire, du groupe et de la situation contemporaine, à savoir du groupe en tant que tel et de son existence depuis 1999. On va remonter un peu dans le temps avant cela pour voir un peu ce que, eh bien, nos deux artistes faisaient et comment ils en sont arrivés là plutôt. Et on va commencer par Paul Volta, si vous le voulez bien. Alors, Paul Volta, il est né et il a grandi sur la côte est des États-Unis, à Rochester, dans l'État de New York. Et depuis qu'il a eu l'âge de 12 ans, eh bien, il a rêvé de vivre la vie d'une star de rock. Ça, c'était à 12 ans. Et puis, il n'avait pas eu envie de traîner. Et dès qu'il a eu 14 ans, il a formé son premier groupe. Avec lequel, eh bien, il a fait des petits concerts et des petites tournées pendant 2 ans dans la région de New York. Suite à cela, eh bien, il a déménagé dans la grande ville, Big Apple, New York City, et il a ensuite fait son service militaire parmi les gardes-côtes américains. Et pendant cette même période, eh bien, il a formé le groupe Prodigy. On parle du groupe Prodigy, hein, pas The Prodigy, celui qu'on connaît beaucoup mieux. Le groupe Prodigy. Avec ce groupe, bien, il a aussi tourné de nouveau pendant un an et demi, 2 ans, sur toute la côte est des États-Unis, au Canada. Il a notamment fait la première partie pour Mick Ronson, Leslie West, ou alors plus connu, Peter Frampton ou Cheap Trick. Après cela, eh bien, le groupe a perdu un de ses membres et notre ami Paul, lui, en a profité pour apprendre eh bien, l'autre côté de la barrière du business, et il a appris comment devenir ingénieur musicien, comment était le process d'enregistrement et la production. 5 ans plus tard, Paul on le retrouve, on va dire, à Hollywood, toujours en tournée avec Prodigy. Et il s'est établi là-bas et il a ouvert un magasin de guitares vintage à Los Angeles, un des plus grands magasins de guitares vintage. Ça s'appelait Voltage Guitars. À cette époque-là, eh bien, il a aussi collaboré avec d'autres groupes et d'autres musiciens, comme notamment Steppenwolf, Savoy Brown ou Speedwagon. Et puis ensuite, eh bien, on rattrape l'histoire telle qu'on la connaît ou telle que je vous l'ai raconté tout à l'heure, Paul a rencontré Joe. D'ici quelques minutes, eh bien, lorsqu'on écoutera notre 3e extrait, on découvrira l'aventure de Joe quant à elle. On va écouter un 2e extrait. Le morceau s'appelle Sweet Concern. Je vous ai mis aussi la vidéo de ce morceau sur notre page Facebook et on va dire illustration. Un morceau qui a été enregistré, enfin celui qui a la version qui est sur la page Facebook a été enregistré en concert au Japon. Ici, si je ne m'abuse, c'est la version album. Laissez-moi regarder en vitesse. Je dirais que oui. Sweet Concern, cet extrait donc c'est de cet album Naked Glory du groupe australien The Sign. C'est notre powerplay ce soir dans Planet Indie. Powerplay. Powerplay. Sweet concern, I say, please save your souls now. Please save your sympathy. I'd rather burn, I said, I'd rather. I can't you see what I mean? I'm gonna stay. I'm gonna stay. Can you hear the sound? Children crying, I say, can you hear the sound? I'm dead, they're rising, rising. I can't just see what I mean. Acting kind of strange, I'm kind of strange. Oh, bless me, Father, for I have sinned. Oh, bless me, Father, for the trouble I'm in. Bless me, Father, won't you let me be? Bless me, Father, won't you let me dream? Please save your sweet consent, I said. Please save your soul now. Please save your sympathy, I said. I'd rather burn, I said, I'd rather burn like the kind of strange, kind of strange. Can you hear the sound of the temple falling? Can you hear the sound? Bonjour, c'est Eric. Nous sommes du groupe Dole. Et vous écoutez Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Yeah. Elle s'appelle Erin de You Missing From Me, le toi qui me manque. Voilà. On poursuit notre playlist de ce soir avec une autre voix féminine. Elle s'appelle Clémentine. J'ai beaucoup aimé son album. Je crois qu'on ne l'a encore jamais entendu dans cette émission. Eh bien, on va remédier à ce manque tout de suite. On va écouter le morceau Standing Where You Left Me. Bah, oui, on va dire que ce n'est pas les morceaux les plus joyeux en ce moment. Je ne sais pas, quand j'ai fait la programmation, pourquoi j'ai choisi cela, je ne sais pas. Ça veut... En tout cas, le titre veut dire bah, « Je suis toujours là où tu m'as laissé ». Voilà, c'est Clémentine, c'est une autre nouveauté dans Planet Indie. Et puis après cela, on écoutera le Cat Chapman Band avec « Baby to Hold ». There's a wind blowing in from the west, and the storm is coming on. And I should go inside, I guess, but I won't. Like an oak tree stuck here in the ground, waiting till the rest of my life decides to roll around. Standing where you left me, made the ruins of our love. Fragments of forgiveness and the remnants of our trust. And all that once was us, though I'm waiting to fly away on any old wind that blows. I'm still standing where you left me a long time ago. Another long night's coming down, it will be here soon. And I'll be hanging around with the man in the moon. But even he's going to be moving across the sky, leaving me alone to be forever wondering why. Standing where you left me, near the ruins of our love, and the fragments of forgiveness and the remnants of our trust. And all that was us, though I'm waiting to fly away on any old wind that blows. I'm still standing where you left me. Left me could have a baby to hold my baby. Oh, sweet baby. Lay down my worry and all of my fear. This is gonna be, this is gonna be the year. My baby makes his way on home to me. Bring my prayers down to the river, set them all free. Said it wasn't the time. Promised he'd return, and he would always be mine. Oh, I'll pass some time away. Held some strangers in my arms, but nothing could compare to the sweet love and charms of my own baby. Won't you come on home to me? C'est le Cat Chapman Blue Band, pardon, avec Baby to Hold. J'espère que vous vous endormiez pas, c'était un peu plus doux, mais rassurez-vous, le prochain morceau, ça va vous réveiller. Et puis comme vous le verrez tout à l'heure dans la programmation de la Rockale, ça va être très rapide parce que c'est encore un peu période de vacances, il n'y a pas grand-chose. Mais j'aimerais, en tout cas c'est pour vous, que vous notiez déjà dans votre agenda la date du 26 mai 2019, puisqu'il y aura la venue de Steve Hackett. Steve Hackett qui va venir jouer notamment l'entièreté de l'album Selling England by the Pound. Pour les plus jeunes, ça, je suis en train de parler chinois, mais pour les autres, eh bien, Steve Hackett, c'était bien entendu le guitariste du groupe Genesis, quand Genesis était formé de Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford. Donc 26 mai, Steve Hackett viendra rejouer l'entièreté de l'album Selling England by the Pound, et puis ce sera aussi l'occasion pour lui de célébrer le 40e anniversaire de son premier album solo, Spectral Mornings. Pour ceux qui voudraient eh bien, découvrir Steve Hackett, notamment avec Genesis, si vous écoutez notamment le morceau First or Fifth, eh bien, le solo de guitare, c'est lui. Donc si vous aimez le rock progressif et notamment celui de Genesis, eh bien, c'est une date à retenir. Je vous ai dit qu'on allait se réveiller un petit peu au niveau musical. Eh bien, c'est un extrait du nouvel album de Sari Shore, la star montante du blues rock. On l'écoute avec Love Me. So tell me now, what are you doing? Vous avez certainement corrigé, je l'espère. Le morceau ne s'intitulait pas Love Me, ça c'est celui qu'on va écouter. Je crois que mes yeux ont un peu... comment est-ce qu'on va dire, ils sont descendus trop bas dans ma conduite. Le morceau de Sari Shore s'appelait Valentina. Love Me, ce sera le prochain morceau du groupe The Sign, le groupe australien donc, qui est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie avec son album Naked Glory. On a vu les antécédents de Paul Volta, je vous propose, pour ne pas faire de jalouse, de visiter un peu ceux de Joyce Stevens. Alors Joyce Stevens, elle a grandi dans la petite île de Tasmanie, vous voyez c'est le petit bout de terre qui est en dessous de l'Australie, en bas à droite là, en forme de triangle, à 150 miles eh bien, des côtes australiennes. Avec eh bien, son éducation orientée vers les arts de la scène, eh bien, Joe n'était pas étrangère aux performances en public, que ce soit dans des chœurs, dans des chorales, que ce soit au théâtre ou que ce soit au piano. Cependant, à l'âge de 12 ans, eh bien, elle a décidé d'abandonner le piano et le violon au profit de la guitare, et cela au grand désarroi de sa maman. Joey a appris bientôt que, eh bien, qu'être une femme qui jouait de la guitare, c'était assez difficile dans une profession qui était plutôt masculine. Elle a commencé, eh bien, à écrire des chansons dès qu'elle a pu, eh bien, mettre trois notes de guitare ensemble. Elle a commencé à graviter dans le monde de la musique folk. Tout ça a changé, eh bien, quand elle a entendu parler d'un groupe américain qui s'appelait Heart et qu'elle a découvert notamment Joan Armatrading. Elle a déménagé à Melbourne, eh bien, dans l'espoir de faire carrière dans la musique, et elle a à place de ça, eh bien, elle s'est retrouvée comme accompagnatrice pour le fils d'un grand joueur de la fille, pardon, d'un grand joueur de trompette. Ça lui a permis, eh bien, d'étoffer son réseau avec d'autres musiciens. Elle a notamment rejoint le groupe Dunger Dancer. Ce groupe, eh bien, s'est séparé après 2 ans d'existence et de tournée. Et Joey a formé son propre groupe qui s'appelait Foreign Bodies. Et puis ensuite, eh bien, voilà, l'histoire, la boucle est bouclée. Joey a rencontré Paul Volta. Ils ont formé le groupe de Sign. Vous pouvez les retrouver écouter et voir acheter toutes leurs chansons sur leur site internet www.thesign.com. Vous retrouverez aussi toutes les manières d'entrer en contact avec eux. Je vous ai mis, je vous le rappelle, la vidéo de l'enregistrement en public au Japon du morceau Sweet Concern. Et nous, pour l'heure, on écoute le troisième morceau qui s'appelle Love Me. Et c'est, je vous le rappelle une dernière fois, le groupe The Sign, notre powerplay dans Planet Indie avec l'album Naked Glory. Powerplay. Powerplay. Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? You were the member of a body co-op, going down, did it, down, down, down, down, down, down, down. You were the mind of a body co-op, spinning round and around and around, round, round, round, round, yeah, yeah. Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? You were my physical attraction until the last day, down, down, down, down, down, down, down. You were my mute infatuation, now you're fast going down, down, down, down, down, down, down, down. Yeah, right, right, right. Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? We are the members of a body co-op, not going down, down, down, down, down, down, down. We are the mind of a body co-op, not spinning round and around, round, round, round, round, round. Yeah, right, right, right, right, right, right. Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? Love me for one night, would you? Love me for two, would you love me, love me, love me now? Like I love you, would you love me? I said I love you, like I love you, like I love you, would you love me? I said I love you, I love you, I love you. I love you. français, ils sont originaires de Paris. Le groupe s'appelle Folsom, on les écoutait avec Chinese Ghost, c'était aussi une nouveauté dans cette émission. Si vous le voulez bien, eh bien on va passer en revue en vitesse la programmation de la Rockale. Je dis en vitesse parce que d'ici à la prochaine émission qui se tiendra le 2 février, eh bien il n'y a pas grand chose à vous signaler. Le 17 janvier ce sera MHD, le 18 dit Fantastician Fear, le 26 janvier Fusion Bomb, le 27 c'est le spectacle comédie Sois Belge et tais-toi 2.1. Le 28, c'est Mastodon plus Kvelertak plus Mutoid Man. Le 28, vous aurez le Thriller Live qui sera joué donc en public. Le 31, c'est pas mal non plus, Steven Wilson. 1er février, Sniper. 3 février, c'est les Contes d'Hoffman. 4 février, Behemoth plus At the Gates plus Wolves in the Throne. Et puis après le 5, 6, 7, 8, ce sera la comédie Cats. Et c'est déjà fini. Je pense que le rythme de croisière va revenir après. Pour l'heure, on va encore écouter les Syndromes Over My Head. Voilà, le morceau est assez long, on ne va pas l'écouter en entièreté. Je vous rappelle leur nom, les Syndromes, avec Over My Head, et avant cela, les Français de Folsom avec Chinese Ghost. On arrive tout doucement au terme de l'émission, on a encore deux morceaux à vous proposer. Et le premier, c'est Jim Stannard avec Dogs of War. Border about 4 a.m. Villa gave the order, 500 men. I think of sweet Maria crying by a con de Dios, who let slip the dogs of war. This is our homeland. The gringos come. Generalissimo Pershing with his long-range guns. I think of sweet Maria. I know I won't see home. Who lets slip the dogs of war? Though I might slaughter innocents, Maria I will defend. How did this war start? How will this killing end? Last night came the message of Veracruz's fate. The Yankees started shelling. She tried to leave too late. I think of sweet Maria, lower gently in the ground. Who lets slip the dogs of war? We crossed the border about 4 a.m. To my darling Maria, we shall meet again. C'est un très beau morceau de Jim Stannard, Dogs of War. Il est bientôt l'heure de se quitter. On va se quitter avec un bon morceau de musique country. Ça s'appelle Bill Price. Enfin, il s'appelle Bill Price et le morceau c'est Saint Ampersand. J'ai été très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée demain dimanche entre 17h et 18h30, dimanche 6 janvier. Et puis, notre prochaine émission, ce sera le 2 février 2019 pour l'épisode numéro 405. On aura des dossiers à suivre puisque bientôt, il y aura le festival du film de Mons. Et puis, il faudra penser tout doucement aussi au festival de du cinéma de la ville de Luxembourg. C'est des dossiers qu'on suit de près. On vous tiendra bien entendu au courant. Voilà, vous retrouverez aussi le podcast de cette émission sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook. N'hésitez pas, vous tapez Planet Indie et vous nous y retrouvez. Et puis nous, on se retrouve donc le 2 février pour notre prochaine émission en direct. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Saint Ampersand. We need mind and we need heart. We need business and we need art. Life would be such a bore if it was always either or. We need white all the way to black. Sometimes we need a surgeon, sometimes we need a hack. Hey, hey. We wander left, we wander right. Sometimes it's day, at times there ain't no light. Sometimes it's solo, sometimes it's band. Sometimes you want quiet, sometimes you just want a jam. the man saying ever sand. Sometimes religion, sometimes science, sometimes flight, sometimes strong defiance, sometimes fiction, sometimes fact, sometimes it's love, sometimes don't come back, sometimes comic books.